je vois de loin la beauté d'une femme qui brille comme une flamme. L'amour c'est formidable, ça pense à tirer les diables. J'ai pas trouvé l'antidote pour que tu m'adoptes. Dans ton cœur chéri, j'ai plein de mots pour t'éprouver mes sentiments. Ça c'est pour toi ma mère si jolie. Je suis prêt à te servir pour subir mes chaque mois. C'est compliqué de kiffer une fille comme un mec qui fait sexe. Rappelle-toi qu'on s'est vu pour la première fois. C'était du kiki. Toi et moi enlacés, mais nos souvenirs passés. Quand je te regardais, je me demandais à quoi tu pensais. Sans être à tes pensées, je t'ai vu blessé avec mon parcours de salon. Béatrice, c'est l'actrice de ma vie. Comment vous dire que moi je l'aime pour les meilleurs et les pires. De tous arrachidés, mi amor et viens se barre d'ici. Mon tema mama y ma peli moto. Et kouma lina y ma pole na mon tema. Et salina to ya baba et tu fais la kaye moko baba. Pizza lina nga, na nga kapo la face moko. Allez Rama, Kumba Bangoni Ramazani, Roger Bukana, José Lito, King Force. Papi Zola na Château Rouge. Olé!